Vingt six ans, mais seulement quatre dit-il. Je ne comprends rien à rien. J'ai peur des papillons. Mon père est mort à la guerre. Quand j'étais petite, j'avais un gilet en angora rose qui s'arrêtait avant les côtes flottantes. Les vieux messieurs m'aimaient beaucoup. Je ne crois pas à l'expérience. Je me méfie des endroits clos. Je ressens la paresse comme une maladie. Il faut te dire que j'ai derrière l'oreille un coin de peau extraordinairement doux, que j'aime les laitages et les bananes très mûres. Je souhaite toujours qu'un ouragan m'emporte, c'est pourquoi je me suis attachée sur ce fauteuil avec des sangles de vélo. J'aime toutes les histoires qui commencent. Il était une fois, je le café au lait. Avant, les garçons me frottaient toujours les oreilles. Une fois, j'ai vu des chars blindés sur l'avenue d'Orléans. J'aime les rengaines d'amour et les frites me font pleurer. Sur l'eau, les bateaux me suivent toujours. Ils me font peur, ils me font peur. J'ai vécu très longtemps, ici ou là, chez des amis. Un jour, j'ai cassé une table en marbre. J'aime les courant. respire encore. Petits ânes penchés, petits colonisés, aux yeux de pierre, aux yeux de pierre. J'ai oublié les chakras des déchets, oublié encore plus vite. Près de la grille, l'arbre grésille. Et nous toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants, toujours vivants. Dichtet.